notre invité spécial d'aujourd'hui a deux particularités. La première, c'est de détenir le record du plus long séjour réalisé dans la Station Spatiale Internationale avec son camarade russe Mikhail Kornienko. Il est resté 340 jours, 7h44 minutes dans l'ISS pour la One Year Mission de la NASA. Mais il a un petit plus par rapport à son confrère russe, notre invité a un frère jumeau monozygote resté sur Terre pendant ce séjour. Ce qui intéresse au plus haut point l'agence spatiale pour étudier les effets d'un long séjour dans l'espace sur le corps humain dans la perspective de préparer un futur voyage vers Mars. L'astronaute américain Scott Kelly est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Scott Kelly, hello. Hello. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Xavier Combe qui va assurer la traduction simultanée, merci à vous. Bonjour. Scott Kelly, vous publiez un long récit de ce séjour particulier à 400 km d'altitude, Mon Odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite, c'est aux éditions Les Arènes. Alors beaucoup de vos camarades astronautes le disent, hein, c'est important de témoigner de son expérience spatiale, de la partager avec le plus grand nombre. Well, you know, I agree with that. Sharing the experience of flying in space is one of the. Moi, je suis d'accord pour dire que le partage de l'expérience de ce séjour en espace est important. Donc, cette mission a duré près d'un an, et étant donné qu'aucun Américain n'avait passé autant de temps dans l'espace, je me suis dit que c'était important de relater cette histoire. Vous avez tenu une sorte de journal de bord pendant cette mission, parce que on lit hein, dans ce journal, par exemple, des souvenirs très précis. Vous racontez vos rêves aussi. Comment vous avez travaillé sur ce livre ? Well, the for the portion of the book that I was in space for nearly a year, I kept a journal. Donc j'ai en effet tenu un journal qui relate mon séjour dans l'espace. Et j'ai eu un peu de temps à ma disposition dans l'espace, donc il m'est venu à l'esprit des histoires vécues que j'ai relatées dans des notes. Mais il y a pas mal d'anecdotes qui figurent dans le livre et qui ne sont pas forcément directement liées à l'expérience dans l'espace, mais qui ont trait à ma vie. Donc j'ai profité de cette expérience pour me rappeler des choses très éloignées dans le passé et qui pourraient évidemment avoir quand même une implication sur mon expérience dans l'espace. Alors je vais vous poser une question impossible avant de plonger dans votre carrière et dans ce séjour de quasiment un an dans l'espace. Cette question impossible, s'il ne vous restait qu'un souvenir, un moment, une image, une pensée, une sensation, une chose, laquelle serait-elle ? So, that's a tough question. I mean, this book, question impossible, en effet, difficile. Ce livre couvre l'ensemble de ma vie. Choisir un seul souvenir. De quel souvenir parlez-vous ? Une idée, un événement qui aurait de l'importance, la chose la plus passionnante, la plus ennuyeuse ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le souvenir, l'image qui vous est la plus précieuse pour vous, que vous retiendrez le plus fort, le plus important. Well, I would have to say that, you know, the fondest memory for me in the book. Je dirais que le souvenir auquel je suis le plus attaché, c'est la fin, le fait de revenir sur Terre après avoir passé près d'un an dans l'espace. J'avais l'impression d'avoir accompli une tâche particulièrement ardue, l'un des plus grands défis de ma vie, à n'en pas douter. Et j'ai eu la possibilité de faire cette mission en toute sécurité, de revenir sur Terre, à bon port, et puis retourner vers les miens, vers ma famille, pour partager cette expérience avec eux. Voilà. Alors on va retracer, hein, comme vous le faites tout au long de ce livre, votre carrière, Scott Kelly. Vous êtes né le 21 février 1964 à Orange, dans le New Jersey. 6 minutes après votre frère jumeau, vous êtes le deuxième dans l'ordre d'arrivée. I was. C'est vrai. Vous racontez que vous n'étiez pas particulièrement un très bon élève en classe, au collège, au lycée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être le premier de la classe pour devenir astronaute et partir dans l'espace ? Well, clearly not at least in the beginning. Pas au début, c'est pas indispensable au début de la scolarité. I know the conventional wisdom is that an astronaut is probably was the bien smartest volontiers person in the class, que l'astronaute c'est le premier de la classe. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais pas le premier de la classe, vous l'avez dit. Moi, quand j'étais sur les bancs de l'école, j'avais plus tendance à regarder l'horloge ou regarder par la fenêtre et j'avais un peu de mal à rester concentré. Et c'est ainsi que sont déroulées les 18 premières années de ma vie. Puis je suis allé à la fac, là j'ai eu un peu de mal aussi. Et puis un beau jour, je vais à la librairie, bon, il y avait des livres. J'étais allé là pour m'acheter du chewing-gum et je suis tombé sur un livre sur l'étagère de cette librairie. La couverture était bleu, blanc, rouge. Le titre était génial. Je l'ai saisi, ce livre. J'ai lu la quatrième de couverture. Ça m'a intéressé. J'avais un peu d'argent. Je me suis acheté le livre. Je suis retourné chez moi au dortoir et j'ai lu l'étoffe des héros de Tom Wolfe qui a donné lieu au film. Donc c'est là que commence donc toute l'histoire Mercury, Gemini, et ainsi de suite. Ce livre, j'en avais besoin. C'était un déclencheur. Il y avait, et je l'ignorais, des boulots très intéressants à faire, à condition que je travaille mieux à l'école. J'avais 18 ans lorsque j'ai lu ce livre. 18 ans plus tard, j'avais 36 ans, mon premier vol dans l'espace, premier Américain à faire ce vol. Et donc voilà, prenez un gamin de 18 ans, il trouve un livre, et à partir de là, il décide qu'il va faire des vols dans l'espace. C'est pas gagné, hein. Donc le début n'était pas facile, puis petit à petit, j'y suis arrivé quand même. Hein. Et c'est ainsi que je suis devenu astronaute. Mais ce livre, le mien, ce n'est pas simplement l'histoire d'un type qui a passé un an dans l'espace, c'est une autobiographie. Il s'agit d'un gamin qui avait du mal à travailler à l'école, qui ne savait pas trop faire ses devoirs, qui est tombé sur un livre et qui a trouvé l'inspiration de sa vie. Cette inspiration, ça lui a permis de faire des choses assez remarquables. Vous écrivez que dans la société actuelle, nos enfants ont désespérément besoin de modèles qui les inspirent. C'est ce que vous avez voulu faire, Scott Kelly, de montrer que même quand on commence sa carrière comme un cancre, on peut aller dans l'espace, qu'on peut accomplir ses rêves quand ses rêves en plus partent de la littérature. Really write a book about being in space for a year. Quand je me suis lancé dans ce livre, je vous relatais cette expérience de vie dans l'espace pendant un an. Moi, je ne suis pas écrivain, c'est la première fois que j'écris un livre. Mais je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir la bonne tonalité pour raconter cette histoire. Et j'ai parlé à Tom Wolfe, et Tom Wolfe m'a dit, vous savez, quand on écrit un livre, il faut commencer par le commencement. C'est ce que j'ai fait. Donc, je parle de mon enfance, puis mon expérience militaire, mon expérience à la NASA, mes premiers vols et mon séjour dans l'espace pendant un an. Une fois cela fait, je me suis rendu compte que ce livre porte sur bien plus de choses que l'expérience d'un type qui passe un an dans l'espace. Non, il s'agit davantage d'un gamin manquant de motivation, qui avait du mal à suivre à l'école, qui n'avait pas de bonnes notes, mais qui a été inspiré un beau jour par un livre. Et c'est ce livre qui l'a emmené dans l'espace. Vous parlez dans l'étoffe des héros que ce qui vous a attiré, ce qui vous a séduit, c'est ces pilotes de l'extrême, des têtes brûlées, vous écrivez, qui buvaient sec. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette figure du héros un peu dur à cuire qui vous a séduit, qui a parlé à l'adolescente de 18 ans que vous étiez. Yes. Oui. Vous parlez aussi d'une autre expérience qui vous a marqué, Scott Kelly. Pendant vos études, vous avez fait un petit boulot d'assistant hospitalier, vous devenez ambulancier, avec un certain rapport à l'urgence, la difficulté, le risque, l'inconnu. Vous savez jamais où le prochain appel va vous emmener. Vous parlez, par exemple, d'une femme que vous avez accouchée dans une cité très populaire, dans un appartement très délabré. Il y a ce besoin aussi du stimulus, de l'adrénaline, de l'urgence, de l'imprévu. Oui, j'ai travaillé très jeune comme bénévole, comme technicien ambulancier. Donc moi, je vivais à l'extérieur de New York, donc dans une banlieue. Et il y avait quand même des zones très urbanisées dans cette banlieue. Puis, plus tard, en tant que lycéen, j'ai décroché un petit job en tant qu'ambulancier, oui. Et on travaillait dans ces zones urbaines où il y avait pas mal de criminalité et où il y avait pas mal de pauvreté. Et là, j'ai vécu des expériences intéressantes qui ont constitué pour le jeune homme que j'étais une bonne formation pour faire face à des situations stressantes. Et l'anecdote que je raconte dans le livre, c'est en effet l'accouchement de cette femme. Je ne sais plus à quel étage c'était, mais c'était une tour, je me souviens, dans un quartier assez beau, que j'avais 18 ans. Hein, donc. Et le type, la fille avec qui je travaillais là pour la première fois, elle était plus jeune que moi. C'était à moi de faire cet accouchement et de couper le cordon ombilical et aider le gamin à pousser son premier cri, emmener le bébé à l'hôpital, ensuite dans l'ambulance. Donc tout ça, ça m'a quand même pas mal marqué. J'étais très jeune et c'était une grosse responsabilité. Et moi, ça m'a bien permis de faire face au stress. Il en va de même pour mon frère jumeau d'ailleurs. Et parfois, donc, j'étais confronté à des environnements comme ça, plein d'urgences, mais aussi de risques. Vous vous engagez ensuite dans la marine, vous entrez dans l'aéronavale, vous devenez pilote de chasse. Votre frère Marc suit le même parcours et vous êtes tous deux sélectionnés la même année en 1996 par la NASA. Tout ça est allé très très vite finalement, Scott Kelly, dans votre carrière. Yeah, I applied to become an astronaut. Oui, j'ai candidaté pour devenir astronaute alors que ça ne faisait que 8 ans que j'étais dans l'aéronavale. Et donc j'ai été sélectionné à la NASA à l'âge de 32 ans et mon premier vol, 99. Je l'ai fait donc à un jeune âge. Donc, on peut dire que j'ai eu pas mal de chance. Parce qu'il y avait des gens bien plus qualifiés que moi pour entreprendre tout cela. Vous étiez manifestement très qualifié tout de même, puisque vous êtes sélectionné en 96. Vous faites votre premier vol en 99, 3 ans après. On sait que parfois, il y a beaucoup de temps qui se passe entre la qualification et le premier voyage spatial. Pour vous, ça va assez vite. Vous avez piloté 2 navettes spatiales, Discovery et Endeavour. Racontez-nous, ça aussi, c'est un rêve, piloter la navette spatiale. Quel est le souvenir que vous avez? C'est quelque chose d'assez incroyable. Well, I didn't say I wasn't qualified. I said there were people that were more qualified. J'ai juste dit qu'il y avait des gens plus qualifiés que moi. I was actually pretty good at my job. En réalité, je travaillais pas mal à l'époque. J'étais pas mauvais dans mon boulot. Once I became an astronaut, I was actually the first American in my class of 44 people selected to fly in space. J'étais le premier Américain sélectionné dans mon groupe de 44 personnes à pouvoir faire un vol dans l'espace. Donc, premier vol de Discovery, septembre 99, pour faire une mission de réparation d'urgence sur Hubble, le télescope Hubble. Et j'étais le seul de l'équipage qui n'avait jamais fait de vol spatial. Tous les autres avaient fait au moins 2 vols. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait à mes côtés un astronaute français. Jean-François m'a pris sous son aile et m'a appris tous les trucs que l'on ne vous apprend pas à l'école des astronautes. Comment vivre dans l'espace, comment travailler dans l'espace, comment aller faire pipi quand la tête en bas, ce genre de trucs-là, fort utile. Donc une très chouette expérience. Donc voilà, me voilà en train de faire mon premier vol dans l'espace. À bord de la navette, on arrive à Hubble et là, c'était une expérience incroyable. Donc ça, on est à Noël 99 et l'un de mes plus grands souvenirs dans l'espace, c'est celui-ci. Après avoir déployé Hubble. Bon. Okay. Jean-François, on l'appelle Billy Bob. C'est comme ça qu'on l'appelle au Texas. Donc après avoir fait tout ça, Jean-François Clairvoy, c'est assez difficile à prononcer quand on est américain. Bref, Billy Bob, c'est plus facile. Billy Bob. Billy Bob et moi, on a dégusté des plats extraordinaires qui n'intéressaient guère les autres d'ailleurs. Imaginez de la musique classique. On était dans la navette, c'était Noël, donc on était tous les deux, les autres étaient à l'étage inférieur, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils ont raté cette belle expérience. On était là à déguster cette formidable nourriture et on regardait évidemment parler Hublot. Et vous entendrez Billy Bob, hein, Jean-François Clairvoy, qui a tenu à vous adresser un petit message dans quelques minutes. On va avancer dans le temps pour arriver à ce séjour d'un an, mais tout de même préciser que vous faites un premier séjour dans la Station Spatiale Internationale en 2010-2011, un séjour de 159 jours avant la mission, donc, hein, 2015-2016. Vous cumulez un total de 520 jours dans l'espace en tout, avec un peu plus de 300 millions de kilomètres parcourus. C'est amusant, 300 millions de kilomètres parcourus, c'est à peu près l'équivalent d'un aller-retour pour Mars. Yeah, I flew in space for, I guess as far... You know, it takes 200 days to Mars, 200 days to get back, spend some time on the surface. Yeah, it's probably somewhat equivalent to the transit to and from Mars, I would guess. Oui, l'équivalent de l'aller-retour vers Mars. Vous avez raison, j'y avais jamais pensé personnellement, mais... The amount of time I spent in zero gravity, le temps que j'ai passé en apesanteur était plus long que le temps qu'il faudrait consacrer pour aller à Mars. La méthode scientifique, Nicolas Martin. L'astronaute américain Scott Kelly est notre invité spécial tout au long de cette heure. Il raconte dans « Mon odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite dans la Station Spatiale Internationale », ce séjour de quasiment un an. Vous dites, Scott Kelly, que quand il est question de recruter des astronautes pour cette mission d'un an de la NASA... Au début, vous n'avez pas vraiment envie d'être sélectionné. Vous dites, poulala, 159 jours, c'était déjà long. Un an, ça risque d'être vraiment très, très long. Yeah, so when the idea was presented about a cosmonaut and an astronaut spending a year in space. Lorsqu'il était question qu'un astronaute et un cosmonaute passent un an dans l'espace, moi, ça ne m'a pas particulièrement emballé. En effet... Within the last year or so, au cours de l'année précédente, j'étais revenu de ce vol de 159 jours. Vous l'avez dit, c'est très long, ça, déjà. Puis, je me suis éloigné de la mission, et plus on s'éloigne d'une mission, on a tendance à oublier les côtés négatifs, et on se souvient des bonnes choses, des aspects positifs. Bref, un an s'est écoulé, et je me suis dit, ben, j'ai envie de retourner dans l'espace de manière différente, que l'expérience soit différente. Un autre vol de 6 mois, ce serait similaire. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me faire à l'idée d'un vol d'un an dans l'espace. Ce sera plus de 2 fois plus long. Bon, ce sera plus de 2 fois plus dur. Par conséquent, ce sera différent. Donc, au bout du compte... Avec mon accord et au fil de discussion, la NASA a décidé de me sélectionner pour ce vol. Woody Allen le dit, hein, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Vous avez eu le sentiment du temps qui passe au cours de cette mission de quasiment un an. Vous avez trouvé le temps long, Scott Kelly? Moi, j'avais l'impression que les jours passaient très vite, mais les semaines étaient interminables. Je ne sais pas pourquoi. Vous arrivez donc dans cette station spatiale internationale que vous connaissez. Le voyage en Soyouz, tous les astronautes disent que c'est toujours une épreuve parce que évidemment il y a le risque que le Soyouz explose, que quelque chose se passe mal. Quand vous remontez dans le Soyouz, il y a toujours ce petit pincement au cœur, cette crainte, cette adrénaline. J'en ai été à mon deuxième vol à bord d'un Soyouz. Un peu d'appréhension, oui. Mais moi, j'étais assez à l'aise, à vrai dire. Soyouz s'est montré fiable. C'est un véhicule de lancement assez simple. you know, abort system that has actually been used before successfully. So I didn't worry too much about it. Il y a eu des problèmes qui ont été résolus, ainsi de suite. Donc moi, j'étais pas très inquiet. A contrario, ce qui me préoccupait, c'était le fait de quitter la Terre pendant aussi longtemps et sans trop savoir ce à quoi je m'exposais. Mais le Soyouz, c'est quand même une fusée extraordinaire pour aller vers la station spatiale, étant donné qu'il n'y a pas la navette. Sans le Soyouz, évidemment, il n'y aurait plus de vol en espace à l'heure actuelle. Le SAS du Soyouz s'ouvre, il y a un équipage évidemment qui est à bord, qui vous accueille. Quelle est la première chose que vous faites quand vous retournez dans cette station spatiale internationale, que vous retrouvez cette station que vous connaissez? So you come into one of the little like docking modules. Donc, on arrive dans un module. A little ceremony there. Il y a une petite cérémonie, on se prend dans les bras, on serre la main, on prend des photos. Then you quickly go down to the Russian service. Rapidement, on va dans le module russe. Where you, et là, have a very brief conference. On a une petite conférence, vidéoconférence avec votre famille. Votre famille peut vous voir, vous ne pouvez pas la voir. C'est un peu décalé, un peu bizarre, parce que le système de communication du Soyouz n'est pas le meilleur du monde. Baïkonour est une espèce de petit amphithéâtre. Bon, on parle avec les membres de la famille des membres de l'équipage. Ça, c'est assez bref. Puis, on mange un petit quelque chose et une petite fête d'accueil et tout, ça dure pas bien longtemps. Et dans mon cas, moi, je suis allé dans le segment américain. Et donc, ça faisait 4 ans que j'étais pas allé, mais je connaissais bien. Donc, quelques petites instructions de sécurité. Tu vas dormir là pendant un an. Voilà comment fonctionnent les toilettes. Souviens-toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si ça casse, on est bien embêté. Donc, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Puis ensuite, étant donné qu'on est quand même épuisé, il faut dormir. Alors, il y a bien sûr deux types d'expériences que vous allez réaliser dans l'ISS, des expériences scientifiques objectives, entre guillemets, et des expériences dont vous êtes le cobaye, hein, ce qui est le cas de tous les astronautes ou les cosmonautes, mais avec vous un intérêt tout particulier du fait de votre gémellité qui permet aux chercheurs d'avoir un sujet témoin identique sur Terre, hein, d'avoir un sujet de comparaison. Quel effet cela fait, Teal Scott Kelly, d'être un cobaye pour la science, d'être le sujet des examens qu'il faut faire? Well, I think that being a human subject is part of the job as an astronaut. Ça fait partie du travail de l'astronaute que d'être un objet d'étude. Because of même si on est être humain, étant donné la réglementation américaine, toutes les expériences auxquelles on participe doivent faire l'objet d'un consentement volontaire de notre part. J'étais le seul astronaute américain qui devait passer autant de temps dans l'espace. Et moi, j'ai considéré que c'était une véritable obligation que de me plier à tout ce qu'on me demandait du point de vue médical et scientifique. Donc, encore une fois, ça fait partie de mon boulot. Et dans l'espace, on fait de nombreuses choses. Donc, j'étais l'objet de l'étude scientifique, certes, mais en plus de ça, je menais moi-même des expériences scientifiques dans d'autres domaines. Donc, nous avons mené une étude pendant un an, qui était une série d'expériences qui, elles, s'inscrivaient dans un grand programme scientifique qui intègre 400 expériences au cours de l'année que j'ai vécue. Il y a quelques-unes de ces expériences auxquelles je participais intimement et il y en avait d'autres dont j'ignorais les tenants et les aboutissements. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans les programmes scientifiques spatiaux. Alors, sur le fait d'être un cobaye spatial, cette question, nous l'avons posée précisément à Billy Bob, à Jean-François Clairvoy, l'astronaute français avec qui vous avez fait votre premier voyage, Scott Kelly, comme vous nous le disiez tout à l'heure, écoutez-le. On ressent qu'on subit beaucoup de changements dans le corps humain et on sait que ça fait avancer la science. Comme en plus ça fait pas mal et qu'on apprend beaucoup de choses sur soi-même, on accepte. Alors c'est vrai que je parle d'expérience médicale, mais accepter comme expérience, le fait juste d'être exposé dans la très longue durée, là, il faut que l'astronaute lui-même s'approprie l'objectif, comprenne que c'est important pour les missions futures. Donc, on ne le perçoit pas comme le fait que nous sommes cobayes, mais que nous participons à une grande aventure humaine et pour laquelle il faut à chaque fois repousser un peu les limites. Justement, vous parliez du fait qu'on sentait son corps changer. Quel rapport on a à son corps dans l'espace et comment est-ce qu'on voit son corps changé et comment est-ce qu'on sent son corps changé? Il y a beaucoup de choses que l'on ressent, mais c'est juste on sent qu'il y a des choses, des changements, mais ça ne nous gêne pas pour vivre et travailler normalement, dormir, manger. Et puis il y a quelques aspects qu'on ne ressent pas, c'est les médecins qui nous disent vous êtes déshydraté, décalcifié, irradié, atrophié, déficient immunitaire. Là on ne le ressent pas, mais c'est ce qui permet de faire avancer la médecine, parce que vous montrez un os d'astronaute qui reste un an dans l'espace à un rhumatologue, il va penser que vous avez une ostéoporose, il va commencer à faire des analyses complémentaires pour ça. Vous lui montrez votre sang et il voit que vous êtes en déficience immunitaire, il va vous faire faire des examens complémentaires pour le sida. Mais ces symptômes ne sont pas pathologiques de maladie chez l'astronaute qui, lui, est médicalement sain. Donc ça fait avancer la recherche. Quand on est dans l'espace sur la longue durée, alors ça n'était pas mon cas, mais j'ai beaucoup de collègues, dont Scott, qui a fait son premier vol avec moi vers Hubble d'ailleurs, qui a effectué presque un an. Ça n'est pas l'aspect médical qui influe le plus sur l'aspect psychologique. C'est le fait d'être confiné dans un milieu fermé, dans la très longue durée, sans pouvoir vivre dans la nature, c'est-à-dire sentir un parfum de fleurs, toucher la peau de votre conjoint et jouer dehors avec les enfants. Dans la durée, on y pense, on le virtualise mentalement, on l'imagine, on échange, on est connecté, mais je crois que c'est le confinement et l'isolement. Ce sont deux facteurs très importants. Confinement, on est dans un milieu fermé. Isolement, on est loin. Donc on le gère aujourd'hui très bien sur un an. Il y a un Russe qui est resté même 14 mois. Mais ce sont des questions qu'il faut creuser avant d'aller vers Mars, parce que ce sera encore plus loin et pour beaucoup plus longtemps. Voilà, Jean-François Clairvoy avec Antoine Beauchamp. Scott Kelly, hein, c'est ce que vient de dire Jean-François Clairvoy. C'est le confinement et l'isolement le plus rude, le plus difficile à accepter sur un séjour au long cours. Oui, ça fait partie des choses les plus difficiles. Et puis, c'est quand même pas facile de vivre et de travailler dans l'espace. Comme le dit Jean-François, on peut pas sentir les fleurs. On n'a pas l'odeur des fleurs et les gens qu'on aime sont loin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, on a des horaires de travail qui sont très exigeants aussi. Lorsque l'on s'endort, on travaille. Lorsqu'on se réveille, on dort. On ne peut pas rentrer chez soi. Il faut être tout prêt à faire face à une urgence, même si on est en train de dormir. Et ça génère un petit stress en bruit de fond. Donc la famille vous manque, la nature vous manque, il y a le confinement. Il y a le risque auquel on s'expose. Voilà, tous ces facteurs-là font que c'est pas facile. Cela dit, en même temps, c'est quand même un endroit remarquable. Quel rapport entretient-on avec son propre corps dans l'espace? Comme le disait Jean-François Clairvoy, vous le sentez différent? Vous sentez votre corps réagir à l'absence de gravité? Vous avez la conscience, une conscience différente de sa propre corporalité, Scott Kelly? Quand on arrive dans l'espace, on comprend que ce n'est pas un environnement normal pour un être humain. On est en train de flotter, les organes flottent à l'intérieur de votre enveloppe corporelle, tous les fluides corporels sont en train de flotter aussi. Et étant donné que la pesanteur fait que nos fluides descendent vers nos pieds alors que le système vasculaire fait remonter les fluides, eh bien, il y a une redistribution en apesanteur parce que tout va vers la tête. Donc, on a tendance à avoir la grosse tête quand on est astronaute. C'est pas simplement lié au fait que certains astronautes sont arrogants. Non, c'est parce que la tête grossit littéralement. Et au bout d'un certain temps, le corps s'adapte, le fluide redescend du corps, et puis le corps est très intelligent parce que le corps comprend qu'on n'a plus besoin de masse musculaire, donc on n'a pas besoin. Si on n'avait pas fait d'exercice et si on n'en faisait pas à bord de la station spatiale, on aurait une perte musculaire terrible, une atrophie, parfois délétère. Donc voilà un certain nombre de symptômes que l'on ressent. Puis au fil du temps, ces symptômes, on les ressent, mais avec moins d'acuité qu'au début. Au début, vous avez donc la grosse tête, c'est difficile de se concentrer, on peut avoir la nausée ou envie de vomir, mais au fil du temps, on s'y fait, petit à petit, on se sent de mieux en mieux. Mais moi, je ne me suis jamais senti dans un état normal, même à la fin de ce séjour. Jean-François Clairvoy, une question pour vous, Scott Kelly. Après ce que tu as vécu là, quelques années pour te redevenir un bon vrai terrien, est-ce que tu serais prêt à partir vers Mars, sachant ce que c'est déjà de rester un an dans l'espace? Voilà. C'est la question que tout le monde veut savoir. C'est la question pour laquelle il est parti là-haut. I think Mars is a really good goal for for humanity. And I think there's a lot of good reasons. Legitimate reasons to go. De très bonnes raisons. Whether it's you know, stimulating the economy, pour y aller. Purposes of discovery, ça stimule l'économie. Ça nous permet d'étendre le périmètre de notre civilisation humaine. I would absolutely et go, moi, as long as personnellement, j'irai à condition de pouvoir revenir. Le voyage aller, ça ne m'intéresse pas vraiment, surtout après un séjour d'un an dans l'espace. Alors, s'il y a des gens qui veulent bien faire simplement l'aller vers Mars, et s'ils font, disons, de la télé-réalité pour décrire leur vie, eh bien, moi, je ne raterai pas un épisode de cette série, parce que ce serait génial. C'est un petit peu comme le Seigneur des Mouches, Sa Majesté des Mouches, oui, tout à fait, Golding. Spirit in the Sky de Norman Greenbaum sur France Culture dans la méthode scientifique. Invité spécial tout au long de cette heure, Scott Kelly, l'astronaute américain qui fait le récit de son année, quasiment un an dans la Station Spatiale Internationale, mon odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite aux éditions Les Arènes. On parlait tout à l'heure, Scott Kelly, de votre fonction de cobaye. J'ai lu que vous êtes parti dans la Station Spatiale Internationale après que la NASA vous a inoculé le virus de la grippe. Ainsi qu'à votre frère pour étudier votre réaction immunitaire. So one of the experiments I was involved with on the space station this time. L'une des expériences auxquelles j'ai été exposé à bord de la Station spatiale internationale, c'est une expérience sur la réaction immunitaire. Alors ils l'ont faite de la façon suivante. On devait être vers la fin de la mission. Une fois que mon système immunitaire a pu évoluer, je me suis fait une piqûre. J'étais à bord de la station et mon frère jumeau, lui, à terre, s'est inoculé la même dose pour voir la réaction de notre système immunitaire. Je ne connais pas les résultats, à vrai dire. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était le virus de la grippe de l'année précédente. Donc, mon frère prenait un petit risque parce qu'il était quand même inoculé avec le virus de la grippe de l'année précédente. Mais il ne s'agissait pas de me protéger, moi, du virus de la grippe. Ce virus de la grippe, nous l'avons utilisé pour tester notre système immunitaire, pas pour nous protéger. Alors, les études sur les conséquences de ce séjour d'un an dans l'espace ne sont pas terminées. Elles vont durer encore pendant des années, mais un certain nombre de conclusions ont déjà été publiées dans la revue Nature début 2016. Quelles sont les principales différences qui ont été observées entre vous et votre frère jumeau, dont vous soyez au courant, sur précisément la différence liée à votre séjour dans l'espace? You know, the way science works, especially at NASA, is it... You come up with a hypothesis, you collect the data, NASA, you perform the experiment, you collect the data, you analyze the data, you write the research papers, you have them peer reviewed and published. That process takes about 3.5 years. Ça dure 3 ans et demi à peu près. Nous avons quelques résultats des expériences qui ont été menées. La chose la plus importante, c'est la chose suivante. Moi, j'ai passé un an dans l'espace, je suis revenu sur Terre et je me suis trouvé plus intelligent et plus beau que mon frère jumeau Marc. De plus, donc des études génétiques ont été menées et mes télomères, donc éléments constitutifs des bouts des chromosomes qui montrent notre vieillissement, donc ces télomères se réduisent et en fait dans l'espace par rapport à mon frère Marc, eh bien ils ont moins vieilli et ça on s'y attendait pas. Il y a d'autres études génétiques qui ont montré des résultats intéressants. Mes gènes, l'ARN, l'ADN et les protéines s'activaient ou se désactivaient très rapidement. Et c'est donc l'expression génétique, ce déclenchement, le fait d'éteindre. Alors ça peut être bon ou mauvais. Donc, sans trop aller dans les détails, les résultats étaient intéressants lorsque l'on sait que l'environnement spatial est quand même assez brutal envers l'organisme humain. En tout état de cause, il faut mener plus de recherches dans ce domaine. Vous continuez à passer des tests et à subir des examens pour prolonger encore ces expériences aujourd'hui ? Yeah, I still participate in the research. Je participe encore à ces recherches. But that is not unlike other astronauts. Mais ce n'est pas différent pour les autres astronautes. Hein. Quand on est astronaute, on subit un examen médical tous les ans. La plupart des astronautes sont tout à fait volontaires, donc on fait des études longitudinales de la santé des astronautes tout au long de la vie. Donc, je participe au programme scientifique de la NASA, mais il y a des astronautes qui n'ont pas vécu aussi longtemps que moi dans l'espace qui font la même chose. Nous avons demandé après Jean-François Clairvoy ses souvenirs à un autre astronaute français, Léopold Deyaerts, que vous connaissez également, Scott Kelly. Écoutez son témoignage. On ne se sent pas vraiment isolé. Moi, je n'ai pas ressenti ça. D'abord parce qu'on est en contact permanent avec le sol. On a des communications... 24 heures sur 24, pendant toutes nos activités à bord, on parle avec les gens au sol. Il y a des fenêtres aussi, on peut regarder dehors, hein, mais effectivement, on ne peut pas sortir de la station. Si vous voulez, la sensation d'isolement, je l'ai plus ressentie dans ma première mission, en 1998, dans la station Mir, où là, on avait beaucoup moins de communication. Il n'y avait pas, si vous voulez, le réseau de satellites qui existe aujourd'hui pour relayer les communications de la station internationale. Et donc on avait des communications que quelques minutes par jour, quelques dizaines de minutes par jour, parfois 10 ou 20 minutes, pas plus par jour. Donc c'était un contexte assez différent et on ressentait effectivement plus la sensation d'isolement à ce moment-là. Léopold Ayart au micro d'Antoine Beauchamp. Une réaction à ce sentiment d'isolement, Scott Kelly, vous l'avez ressenti. On parlait du confinement tout à l'heure, mais l'isolement vraiment, le sentiment de se sentir seul. Yeah, I agree with the general there. Oui, je suis d'accord avec le général Léopold. C'est vrai qu'on n'est plus sur Terre, on est éloigné, on est isolé dans la station spatiale. Mais on ne se sent pas quand même éloigné. Les communications sont bonnes, on peut rester connecté aux amis, à la famille. Par le hublot, on voit notre planète. Léo a parlé de Mir et le peu de temps consacré aux communications. D'une certaine façon, je l'envie un peu. Ce serait pas mal, hein, de communiquer peu, parce que parfois, il y a trop de communication. On communique tellement toute la journée avec la Terre que on a du mal à travailler, en fait. On est constamment à répondre au téléphone pour leur parler. Alors maintenant, s'agissant de Mars, là, ça va être une expérience complètement différente parce que la conversation voix ne sera pas possible très longtemps pour ce long voyage. Par le hublot, on ne verra pas la Terre au bout d'un moment. On communiquera par courriel ou par vidéo, donc en vidéoconférence, enregistrée, avec un décollage. Donc, ça va être une expérience de communication radicalement différente, le voyage vers Mars. Vous écrivez, Scott Kelly, hein, dans la conclusion, quelque chose que je trouve assez touchant. Vous écrivez « Quand j'étais dans l'espace, j'ai vu un jour à la télévision des gens qui partageaient un repas assis à table. La scène m'a ému et plongé dans un terrible état de manque. » On est généralement six à bord. On a beaucoup de choses à faire. La plupart des équipages prennent le petit déjeuner et le déjeuner presque tout en travaillant, mais très rapidement. Le repas du soir, on peut le partager avec certains membres de l'équipage. Les Canadiens, les Américains, les Japonais, les Américains mangeaient d'un côté, les Russes mangeaient de l'autre côté, mais une fois par semaine, au moins une fois par semaine, on organise un repas avec tous les membres de l'équipage, généralement du côté russe. On fait ça le vendredi soir ou lorsqu'il y a un jour férié ou un événement à marquer. Et ça, c'est des moments privilégiés. On se rassemble tous, on partage un repas et on évoque ce que l'on trouve chouette ou ce qui est important. On parle du caractère unique de cette expérience et le privilège qui nous est donné d'y participer. Un autre enjeu hein, de la vie dans l'espace, c'est la vie en communauté. Vous venez de le dire, en général, les équipages sont de 6 personnes. Et quand on est enfermé comme ça dans un espace confiné avec plusieurs personnes, il peut y avoir des tensions qui apparaissent. Comment est-ce qu'on gère les tensions sociales comme ça dans l'espace, Scott Kelly? I think NASA and Roscosmos, the other partners, Roscosmos et la NASA et tous les partenaires de la station spatiale font un très bon travail dans la sélection des personnes qui seront amenées à travailler dans un tel confinement pendant longtemps. Parce qu'il faut éviter à tout prix les tensions et les conflits sociaux. Mais cela dit, inévitablement, il y a des personnalités qui, au bout d'un certain moment, se montrent incompatibles. Moi, j'ai assisté à cela, mais je dois dire que c'est rare. D'une façon générale, je dirais que les relations sont vraiment très bonnes avec tous les membres de l'équipage, quelle que soit leur origine nationale ou autre. Vous écrivez, hein, toujours Scott Kelly, dans cette conclusion de mon Odyssée dans l'espace, « J'ai acquis une nouvelle empathie pour les autres, y compris pour ceux que je ne connaissais pas et ceux avec qui je ne suis pas d'accord. » Vivre dans l'espace, voir la planète, sa beauté, se rendre compte de la chance que nous avons d'avoir cette planète unique dans l'univers à notre disposition. Quand on voit la Terre de loin, on ne voit pas de frontières entre les pays, pas de frontières politiques, et ça vous donne un point de vue différent sur la vie sur Terre, sur la Terre elle-même. Et les informations qui viennent de la Terre sont dans l'ensemble de mauvaises nouvelles, et je crois que ça rend plus empathique, en effet. Et personnellement, je comprends qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour aider la condition humaine et en tout cas participer à la protection de l'environnement. Ça, c'est absolument vital. Une autre astronaute française a tenu à partager avec vous, Scott Kelly, avec nous, son expérience, et pas seulement dans l'espace, celle aussi du retour sur Terre, c'est Claudie Aigneret. Pour la plupart des astronautes, entre le moment où ils ont été sélectionnés et le moment où ils le veulent, il se passe un temps long. Dans mon cas, ça a été 11 années entre sélection et première mission spatiale. Alors, c'est vraiment une impatience de découvrir ce pourquoi. On a eu des rêves, on a eu des entraînements longs, souvent lourds. Et donc, il y a cet appétit, cette curiosité, ce désir de découvrir. Donc, psychologiquement, je dirais que c'est plutôt un moment, parce qu'on est confiant dans sa préparation, un moment d'euphorie à le découvrir. Voilà, je crois qu'on est plutôt dans cette envie de découvrir quelque chose qui est vraiment extraordinaire, pour lequel on s'est préparé intellectuellement et physiquement, mais où la découverte vient en arrivant dans la station. Donc psychologiquement, c'était plutôt quelque chose de très positif, qui donne une dynamique, une envie d'aller plus loin et une envie de se donner au maximum. Et quand on revient sur Terre, comment on peut partager cette expérience qui est aussi unique ? Est-ce qu'on a l'impression de pouvoir être compris ou comment on vit le retour sur Terre ? Le retour sur Terre, d'abord, physiologiquement, il faut se réadapter à la gravité terrestre, c'est-à-dire remettre en marche avec les bonnes références son système vestibulaire, son système musculaire, son système cutané, son système cardiovasculaire pour se retrouver en état de bon fonctionnement. Ça peut aller plus ou moins vite selon que le vol est de plus ou moins longue durée. Et pendant la mission spatiale, bien évidemment, une charge de travail importante et peu de temps à consacrer à ressentir les choses, à accumuler des expériences, en particulier pendant des vols de courte durée. Mais ces missions, elles sont tellement exceptionnelles qu'il faut constituer, je dirais, ce corpus de sensations, de visions, de choses à transmettre. Et au retour, on garde tous cette envie de partager et je pense qu'on la transmet, on la donne avec de l'enthousiasme de ce qu'on a vécu, vraiment ces moments extraterrestres et extraordinaires. Et même si on ne trouve pas parfois le mot ou si on n'arrive pas à transmettre la sensation, même si on a maintenant des photos absolument magnifiques à transmettre, je crois que ce qu'on transmet, c'est le formidable plaisir de la découverte et de l'exploration de frontières nouvelles. Voilà le témoignage de Claudie Aigneret. Scott Kelly, c'est vrai ça aussi, même après un séjour d'un an, on a peu de temps pour avoir accès à ses sensations personnelles, à son intériorité quand on est dans l'espace. C'est vrai qu'une mission d'une ou deux semaines, ça n'a rien à voir avec une mission comme la mienne. Prenons un exemple dans le domaine du sport américain. Donc, on va essayer d'établir la différence entre un vol court et un vol long. C'est un petit peu comme la différence entre le football et le tennis. Il s'agit dans les deux cas d'un sport, mais au-delà de ça, il y a très peu de points communs. C'est comme quand on est touriste à Paris, comme moi. Moi, je suis passé une journée ici, alors que vous êtes parisien. Donc, ce n'est pas du tout la même expérience. Dans les deux cas, c'est sans doute de très bonnes expériences, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et comme le dit Claudie, pour les missions courtes, on n'a pas vraiment le temps d'apprécier tout ce que l'espace peut offrir. Claudie Aigneret nous confiait un jour dans ce studio qu'il lui arrivait de se mettre dans la coupole pendant son temps libre pour écouter Castadiva, l'air de l'opéra de Norma de Bellini. Est-ce que vous aviez, vous, une musique, un air, un film qui vous a accompagné pendant ce séjour, qui est lié intimement à ce séjour d'un an, Scott Kelly? Yes, we listened to music all the time. I had moi j'écoutais tout le temps de la musique. You know, playing throughout the day and tout au long de la journée, quel que soit le module. Sometime on the weekends, parfois le week-end avant que les membres de l'équipage se réveillent, j'allais moi aussi dans la coupole, je mettais mes écouteurs, j'ouvrais les fenêtres pour regarder par le hublot et j'écoutais de la musique classique alors qu'on était en orbite autour de la Terre. Et je prenais pas de photos, j'étais simplement en train de regarder autour de moi, en écoutant de la musique classique. C'était une expérience remarquable. J'avais même fait une playlist sur Spotify, si vous voulez tout savoir. Donc, on voit ça sur CDR Kelly. Sur cette playlist, il y a pas mal de morceaux qui sont très importants pour moi, mais également des morceaux liés à l'espace. Et, enfin, pour moi, hein, il y a certains morceaux, n'importe qui peut comprendre pourquoi ça peut être important pour moi, d'autres moins, évidemment, c'est plus personnel. Le morceau qui, quand vous l'écouterez jusqu'à la fin de vos jours, vous renverra immédiatement dans l'ISS, et quel morceau, Scott Kelly? On veut tout savoir. You know, I think one of the songs that I often associate with space flight, for whatever reason, le morceau que j'associe au vol dans l'espace, alors que les paroles n'ont rien à voir avec l'espace, mais qui, pour moi, représente l'espace, c'est Speed of Sound de Coldplay. Allez, last but not least, lui vient tout juste de revenir sur Terre, sur la Terre ferme. Il vous a emboîté le pas, hein, en publiant une sorte de journal de son séjour dans l'ISS sur Twitter. Vous êtes le premier à avoir utilisé beaucoup les réseaux sociaux en postant des photos, Scott Kelly. Lui, c'est Thomas Pesquet qui évoque entre autres le manque de l'espace. Eh bien, la vie d'un astronaute de retour sur Terre, ça finit la mission. Donc beaucoup de prélèvements scientifiques, on participe à des expériences dont on est cobaye, donc quand les gens ont besoin de travailler avec nous après la mission. Il faut se remettre en forme, il faut faire beaucoup de débriefing. Une fois qu'on a fini ça, on fait un peu la phase service après-vente, hein, si je puis dire. Donc on rencontre peut-être les gens qui ont suivi la mission, une partie un peu plus communication. Une fois qu'on a fait ça, donc ça fait à peu près 6 mois dans mon cas, 6 mois après la mission, et bien on se remet à l'entraînement. Et en parallèle, on essaie de se rendre utile au sol dans les projets de l'agence spatiale. Un astronaute, ça vole au final presque moins de 5% de son temps. Le reste du temps, on travaille au sol, on essaie de faire marcher les projets. Voilà. Est-ce que l'espace vous manque? Et si oui, qu'est-ce qui vous manque? L'espace me manque, oui. Alors, il ne me manque pas physiquement, mais j'ai envie d'y retourner parce que ce qui me manque, c'est d'abord qu'il y a énormément de travail à finir là-haut. Hein. On a ce qu'il y a de plus rare à bord de la station spatiale, c'est pas l'oxygène, c'est pas la nourriture, c'est pas les vêtements, c'est le temps. On a passé de temps des astronautes pour tout faire, malheureusement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de boulot, j'ai envie d'y retourner. Et puis c'est une ambiance vraiment enthousiasmante. On se lève tous les matins, on est motivé, on sait pourquoi on est là. Et puis on s'est entraîné toute sa vie pour ça. Donc c'est psychologiquement, c'est quand même très agréable. Voilà. Et puis, évidemment, le fait d'être là-haut, ça offre une vue absolument incroyable. Ça, c'est le côté un peu rêve d'enfant, peut-être un peu égoïste, hein, que moi j'ai réalisé, donc j'ai envie de retrouver ces sensations-là, cette vue et cette vue sur la Terre. Vous parliez du manque de temps. En parlant de temps, quand on est dans l'espace, comment on vit le temps? Est-ce qu'on a un ressenti, une vision du temps qui est différente? Et est-ce qu'on sent le temps passer de façon différente? Non, on sent pas le temps passer de façon différente, mais non, les journées s'écoulent à peu près à la même vitesse. On travaille de 7h30 du matin à 7h30 du soir tous les jours, sauf le dimanche. Et puis, mais c'est une mission au long cours en fait. C'est plutôt ça le rythme qui s'installe. Il y a ce côté un peu routinier, puis en même temps le quotidien est différent. Il y a des activités différentes tous les jours, de temps en temps quelque chose d'exceptionnel comme une sortie extravéhiculaire. Mais on voit pas le temps passer en fait. Ça, j'imagine que c'est la même chose quand on est en mission sur un bateau ou quand on est en mission dans une base scientifique. Au final, on y passe des mois, mais on est tellement occupé que tout ça passe très vite. Scott, moi je l'ai rencontré il y a longtemps, hein. C'est vrai qu'on s'est entraîné ensemble à Star City, on a passé beaucoup de temps. Maintenant il a quitté la NASA et il mène sa carrière autrement, donc moi je lui poserais, est-ce que ça lui manque pas, mais non seulement d'aller dans l'espace, mais aussi le moment de camaraderie qu'on avait à la Cité des Étoiles ou en préparant l'émission, parce qu'au final cette aventure elle est belle pour ce qu'on vit dans l'espace, mais elle est aussi belle pour tous les moments qu'on passe, notamment les moments de camaraderie avant de se préparer. Donc je me demande si ça lui manque pas un peu. Voilà la question de Thomas Pesquet à vous, Scott Kelly. Est-ce que ça vous manque l'espace? Est-ce que tout l'univers autour de ces voyages dans l'espace vous manque? Moi, ce qui me manque le plus dans l'espace, c'est les gens, les membres d'équipage avec qui j'ai partagé cette expérience et le travail. Le travail qui, d'un point de vue technique, est compliqué, travail qui a des conséquences importantes si on ne le fait pas bien. One of my former, de mes anciens collègues cosmonautes, Gennady Padalka, dit « Lorsque on est sur Terre, l'espace nous manque. Et quand on est dans l'espace, c'est la Terre qui nous manque. » Vous écrivez, Scott Kelly, « Souvent, la photo d'une personne prise un certain jour suscite un flot de souvenirs sensoriels. Et je me rappelle tout d'un coup l'odeur de la station, le rire d'un camarade, la texture des parois matelassées de ma cabine. » L'odeur de la station, c'est quoi l'odeur de la Station Spatiale Internationale ? Well, you know, in the book, I write often about oui, c'est vrai, dans le livre, how things feel and je décris la sensation qu'on peut avoir, les odeurs, les goûts, donc les cinq sens, en fait. Parce que quelqu'un, je crois que c'est peut-être Amika, ma fiancée, qui m'a dit ça. Une histoire, on ne la raconte pas, on la montre. Et pour la montrer, cette histoire, il faut que les gens puissent comprendre l'environnement. Et comment est-ce qu'on comprend l'environnement ? Ben, c'est grâce aux cinq sens. C'est pourquoi je parle souvent dans le livre d'odeur, d'aspect, de texture, de goût, de choses comme ça. Alors, l'odeur dans l'espace, autrement dit, l'odeur où il y a le vide, eh bien, l'odeur, c'est un petit peu comme un métal en train de brûler. D'autres le décrivent différemment. Il y a des gens qui considèrent que c'est une odeur acidulée, sucrée, mais pour moi, c'est plus une odeur de soudage, si vous voulez. Mais évidemment, il y a plein d'odeurs différentes dans la Station Spatiale Internationale. Si vous êtes à côté de la poubelle, qui est là depuis des mois, parce qu'on n'a pas pu l'enlever, la différence, c'est importante. Une poubelle, c'est l'odeur d'une poubelle. Vous dites aussi, Scott Kelly, que vous avez appris qu'il y a plus d'injures en russe qu'en anglais. Yeah, Russian has a whole language of curse words. La liste est très longue des gros mots en russe, j'ai appris ça. Allez, une toute dernière question, Scott Kelly. Quel est le message que vous souhaiteriez envoyer à tous les gens qui rêvent de l'espace ? Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, mais des gens aussi comme moi qui se disent que tant pis, ce ne sera pas pour cette vie-là, ce sera pour une prochaine vie. You know, I think my story in general is one that, you know, you can be a kid or even mon expérience, a young adult, c'est celle d'un gamin, d'un jeune adulte ou d'un adulte moins jeune, qui, même s'il a connu des difficultés, peut avancer. Moi, j'ai eu des difficultés scolaires, nous en avons parlé. Néanmoins, on peut trouver de l'inspiration pour avancer. Moi, ma source d'inspiration, ça a été un livre de Tom Wolfe. Et cette inspiration peut vous pousser à aller au-delà de votre condition. Vous pouvez poursuivre sur le chemin de la vie en menant des activités que vous jugez impossibles. Plus précisément, si le rêve existe, eh bien, ce rêve, il faut le réaliser. If you can dream it, you can do it. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Scott Kelly, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette heure. Voilà, je vous conseille vivement la lecture de Mon Odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite, le récit de ce long séjour de quasiment un an dans la Station Spatiale Internationale. C'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup à Xavier Combe pour la traduction. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation. Pierre Monteil à la technique. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, cet étrange désir de posséder des œuvres d'art par Perrine Kervran et Diffy Mariani. Tout à l'heure à 18h20, sera l'heure de retrouver le grain à moudre avec Hervé Gardet et ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous imaginerons un monde sans plastique où tout le plastique déjà produit aurait été recyclé, détruit, incinéré, où le nouveau plastique serait entièrement biodégradable. Illusion proche ou réalité à venir, ce sera à demain, 16h. Dans la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.